I've seen things you people wouldn't believe. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. C'est quoi ce bordel? Viens ici, salopé! Put that cookie down! Now! Ok, les braves gens, on se tire les doigts des tympans et on écoute me carefully! La connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant. Synchro, jeunesse, synchro. Buenas noches à tout le monde, on va parler un peu moins fort car non, on n'enregistre pas du tout les deux émissions à la suite et il est super tard et tout le monde dort. Voilà, on va pas du tout faire ça, mais on voulait vous dire que... Arrêtez, c'est la... Donc c'est parti pour une émission spéciale ASMR. On est toujours au zénith, mais version intime. Voilà, exactement. Alors, vous l'avez entendu, la charmante Julia, qui est toujours là, notre magnifique invitée. Bonsoir. Oh, le téléphone mais rose. Pourquoi dès qu'on met un micro et on me dit « Tiens, bonsoir », je fais ça. Je pas. Faut peut-être te réorienter. Faudrait creuser. C'est pour payer les études, écoute. Alors, c'est horrible ce que je viens de dire. Ouais. Pardon. Vous avez donc tout aussi charmant de voix, Bilka, à côté. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon matin, bon après-midi à tous. Non, toi c'est mort pour le téléphone rose. Aïe. Bonsoir. J'ai de la concurrence. J'ai des poils. Ça devient chaud. Et Didi. Salut. C'est simple, concis. Alors là, c'est très bien pour les enfants. Salut. Toto avec Didi. Et donc, au sommaire ce soir, nous allons passer de parler de BoJack Horseman, une fucking série Netflix absolument fucking cool pour deux personnes ici. Levez les mains. Voilà. Vous voyez pas. Et donc on va d'abord parler chacun à notre tour de notre petit brawl de la semaine. Mais oui, c'est clair. Et qui va commencer? À chaque fois, c'est un peu le débat. Ne vous battez pas, comme d'hab. Bah, Bilka, vas-y. Ouais, cache ta joie. Hein. Bah, Bilka, j'ai l'impression que c'est toujours toi qui commence, en fait. Parce que je vais toujours être le premier dans tout ce que je fais dans ma vie. De toute façon, t'es nul. De toute façon, je te déteste. De toute façon, en fait, c'est pas vraiment un brawl. C'est plutôt une actualité du moment à l'heure à laquelle on enregistre l'émission. C'est, j'attends impatiemment la prochaine saison de Game of Thrones. Voilà, c'était juste pour dire ça. D'accord, tu fais partie maintenant de les gens qui disent trône. Voilà, et j'ai fait exprès de faire des fautes. J'ai rien compris. Mais trône. Pourquoi tu dis trône? Game of Thrones. J'aime bien, pourquoi les parce gens... Parce qu'on est en France aussi. Oui, les gens, ils prennent l'accent sur Game parce of... Que... Et puis après, ils abandonnent, ils sont là... Parce oh, que... Est-ce qu'il y a un TH? Parce que si le français subit une... anglisation, eh bien je fais en sorte que l'anglais subit une francisation. Voilà, c'est ma façon d'équilibrer l'univers. Philosophie. Voilà. C'est ça. Hakuna Bilka. Oh yeah. Et pourquoi tu l'attends, en fait? Parce que c'est la meilleure série du monde, c'est tout. Non, j'adore cette série. C'était pas Avatar, la meilleure série du monde pour franchement, toi. Franchement, ouais, mon cœur chavire entre les deux, franchement. Oui. Je ne sais pas quoi choisir. Attends, tu vas me dire que entre Hang et... Les Nilbards de Kaelis, tu hésites? Non, franchement, j'hésite entre les deux parce que j'adore les deux. Les Kaelis, elle s'appelle pas Kaelis? Khaleesi. Khaleesi. Daenerys, mais la Khaleesi. Ouais, il a fait un mix des deux. Ouais, ça prouve que je m'y connais vachement. À défaut de ce qu'on peut penser, je ne suis pas un pervers narcissique. Oh l'enfoiré, comment il a ri. Il a sapé ma crédibilité de face à tous. Chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutez, je ne suis pas un pervers narcissique. Oui. Bon, attends, tu peux enlever un peu ton bracelet électronique pour qu'il y ait un peu de bruit chelou. Ah, pardon, tu peux pas l'enlever. Je suis pas censé être là. Je suis presque sûr à cet angle que je te vois croiser les doigts, mais. Ouais, c'est ça. Oh yeah. Et autour de vous, autour de la table, d'autres personnes regardent Game of Thrones. Merci. J'ai raccroché avec mon père et mon frère, mais j'ai raccroché. C'est plus moi. Non. C'était pas ma guerre. Non, j'ai accroché dans le sens où je les ai rejoints deux ans, bien. Mais j'ai loupé les premières en fait. Oh. C'est un peu ridicule. Bah, faut regarder, il n'y a que 10 épisodes par saison, ça va. Alors, 10 épisodes d'une heure. Non, non, ah non, ah non, de ça, entre les trois premières saisons, entre 48 et 57 minutes. Mais oui, je sais, je suis très précis. Okay. Ouais. Oh, bah, c'est 10 heures de série, c'est chaud. Mais ouais. En fait, moi aussi j'ai suivi, mais c'est que du coup, entre les différentes saisons, tu dois attendre un an. Bah oui, comme donc, toutes les séries. Du coup, moi, je me rappelle plus. Ouais, pour et du coup, je dois regarder à chaque fois. Ouais. Moi, les seuls contacts que j'ai eu avec cette série, non, ne fais pas la blague, c'est les vidéos de compilation de réactions pour les morts des personnages. Et ça m'a fait beaucoup rire. C'est horrible. Je suis un peu vrai pervers narcissique en disant ça. C'est triste. Bah, il faut fois, pas c'est, parce que c'est mignon quoi. Les gens sont très attachés et c'est beau quoi. Mais bien sûr parce que c'est les personnages sont construits comme ça. Ils sont faits en sorte que tu t'intéresses à eux, que tu les aimes ou que tu les détestes, tu t'intéresses à eux parce qu'il y a des fois il est décrit comme étant le pire connard, mais après il y a un élément qui fait en sorte qu'on le kiffe. Après plus tard on va le détester, on va le réaimer. Il est humain parce que il oscille entre bon et mauvais. Et bien sûr, quand il meurt, bah, on est triste. Alors, tu parles peut-être d'un personnage en particulier ? Non, de à peu près tous. Sauf Geoffrey, qui est un connard. Putain, Monsieur Neige ? Connard. J'ai fait découvrir... Je croyais que tu francisais tout. J'ai fait découvrir Game of Thrones à mes petits cousins. Ils ont sûr Tu fais des petits comment parce que ouais, bah il y en a un, il vient d'avoir 11 ans, l'autre elle a 13 ans. Je précise que c'est quand même le gars qui fait découvrir à ses petits cousins à peu près toutes les séries trash, hein. Il a fait découvrir Attack on Titans et Game of Thrones. Non mais mes petits cousins sont très en avance intellectuellement, ça fait plaisir, on a ça dans la famille. Et surtout depuis qu'ils sont c'est ça. Et depuis qu'ils sont petits en fait, je fais leur éducation. Dommage en fait. Qu'ils soient tous en prison. T'es pas censé le dire comme mon bracelet. En fait, je fais leur éducation, je leur montre des films qui sont en état d'intercepter, tu vois. Par exemple, je vais attendre un peu avant de leur montrer les aliens, tu vois. Je suis pas irresponsable quand même, faut pas déconner. Je suis d'accord que c'est un peu comme le débat sur le PEGI et tout. Enfin, mais oui, parce que c'est pas interdit, c'est déconseillé. Oui, attention. En France, c'est déconseillé en effet, mais au cinéma, c'est interdit. Et ouais, mes parents aussi m'ont montré des films qui. Bien sûr, parce qu'on était plus mature. Jurassic Park. Mais il faut faire attention parce que des fois, il y a certains films qui nous ont marqué. Sunshine de Danny Boyle, on était grands, mais ça nous a quand même fait mieux. Jurassic Park, je l'ai vu, j'avais 5 ans. Il y avait des morts partout, j'ai kiffé. Ouais, mais c'était moins sanglant que Game of Thrones. Hein. Ouais, mais Jurassic Park, c'est tu limite, vois. Je préfère la mort quand le T-Rex va bouffer l'autre, tu vois, que là. Jurassic Park, petit découpage, c'est petit, je t'enfonce la tête dans la terre et je t'écrabouille. Ouais. Hein, tu vois, c'est quel c'est passage. C'est trop stylé. Hein, surtout, la montagne. Hein, ouais, c'est trop stylé. Oh, tu viens de spoiler, c'est fini. J'ai pas envie de faire mon américain, mais surtout, il y a du cul de ouf. Ouais. Et ça, c'est que dans les deux premières saisons qu'il y en a vraiment excessivement à laisser. Après, ils sont calmés. Et ça m'a embêté, hein, perso. Enfin, on va faire 5 minutes sur 10 minutes sur Game of Thrones, mais franchement, c'est chiant. Non, mais parce qu'en fait, la première saison de Game of Thrones sortie en 2010, où c'était la mode, tout le monde mettait du cul partout parce qu'il y avait les séries comme Rome, Spartacus, toutes ces saloperies. Et maintenant que c'est fini, c'est bon. Oui, mais le cul dans une série romaine et tout, ça trouve son contexte. Médiéval aussi. Médiéval aussi. Bah oui. C'est vrai. Je suis désolée, mais genre les bordels, ça a toujours existé, surtout dans l'époque. Tu vois, dans la fantaisie. L'époque romaine, en tout cas, plutôt reconnu comme étant une période de liberté sexuelle plutôt fantastique. Ouais, mais ils abusent, tu peux pas me dire quand même que Rome, ils abusent pas quand même. Il y a des moments, les orgies, qu'une chose... fais, non, Spartacus, pareil, t'as envie de dire non, je veux pas voir ça. Mais genre... qu'une chose existe et que les producteurs décident de le montrer, c'est deux choses différentes. Bien tu sûr. Vois mais ça colle plus à l'univers que Kael ici, qui. Enfin bref, j'en sais rien, des trucs comme ça. Oui, bof quoi. Oui. Mais moi ça m'a un peu sorti du comme truc et puis surtout ça me sortait comme le de début, Netflix on présente, non du site j'allais regarder un autre site comme le début on présente surtout les personnages. Ouais. Il se passe pas vraiment grand chose, je me suis refait la saison 1 dernièrement, il se passe pas vraiment grand chose à part la mort de Ned Stark. Ouais, c'est pas un spoil, il meurt ouais, dans c'est tous pas les un spoil, films non c'est faux, j'ai plein de films où il meurt pas, merde. Oui, c'est pas l'homme qui est mort le plus de fois au cinéma. C'est je crois que le record c'est 82 fois, un truc comme ça. Alors, c'est quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Oui, c'est le début, on présente les personnages, on présente les mœurs de chacun de ce monde. Et donc voilà, après, quand l'histoire parle, il n'y a pas de cul. Ouais, et puis c'est vrai que la première saison, c'est surtout en fait c'est ce questionnement sur est-ce qu'il va y avoir. Ce monde un peu magique, ouais, parce créature qu'on mystique ou pas, tu sais pas trop, tu t'attends, il y a le côté très réaliste et en même temps on parle de dragons, on parle comment c'est les direwolves, ouais. c'est les loups, nos chers loups. Des Stark. Les loups géants. Ouais, les loups géants, tu vois. Genre, tu sens qu'il y a un truc un peu spécial et tu l'attends. Et c'est jusqu'à la fin parce de la saison. Parce que dans le premier épisode, on voit le marcheur blanc, on voit la maman loup qui est morte, qui fait la taille d'un cheval. Et du coup, on se dit, putain, les bébés loups, dans la saison 1, ils ont des tailles normales. Et dans la saison 2, ils ont des tailles de chevaux, les loups. Tu te dis, ah ouais, putain, il se passe quelque chose. Et après, à la fin de la saison, on la voit, elle sort Daenerys, elle a poil avec 3 dragons autour d'elle. On se dit, ah ouais, la série commence maintenant. Mais pourquoi elle est à poil? Parce qu'ils ont brûlé ses vêtements. Non, non, elle est rentrée dans le... Elle a cramé la dépouille de son mari. Elle a cramé une meuf. Elle a mis pour la magie de la vie, elle a sacrifié une vie pour en créer une autre. Ouais. Elle a mis les 3 autres dragons dans ce grand brasier et elle s'est foutue dedans, du coup, parce que les Targaryens, ils font ça depuis des générations et elle a la magie des dragons en elle. Du coup, tout le monde a cru qu'elle était crevée, nous aussi, spectateurs aussi. Et là, on voit vers les braises incandescentes qui restent et on la voit, elle est par terre toute seule et non pas toute seule. Elle se relève et on voit 3 bébés dragons avec elle et on voit les gens s'agenouiller devant elle et c'est magnifique. Et là, Geoffrey arrive. Bon, bah, enchaîner. Qui veut enchaîner? Parce qu'on a passé 10 minutes à parler de Game of Thrones. Alors, ça va aller? Vous n'allez pas tous vous déplacer? Je crois que la dernière fois, tu nous avais parlé du festival d'Annecy, notre chère Julia. Bon. Allez. D'accord. joie et bonne humeur. La bonne humeur. Alors, le festival d'Annecy. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que c'est, déjà? Le festival d'Annecy, c'est le festival international du film d'animation qui se trouve donc à Annecy, en France. C'est pas en Suisse alors? Non. D'accord. Non, donc déjà, petite fierté française. Genre, wow, le festival international, il est chez nous. Donc, alors moi j'y étais cette année-là particulièrement parce que au bout d'un moment ça coûte un peu cher parce qu'il y a des accréditations. En gros, c'est un festival de films, c'est ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il y a des séances de ciné constamment et t'y vas. Tu passes tes journées dans le cinéma, bon, si t'as envie. Des gens qui. Des activités différentes après, il y a l'alcool, tout ça. Ouais. Voilà, parce que généralement c'est sympa s'il y a du soleil, un lac, tu vois, tu vois pas trop les gens dans les salles sombres. Mais donc c'est assez agréable parce que ça permet de découvrir en fait plein de choses parce que c'est il y a les super productions comme toujours, donc j'avais dit Cars 3, voilà, merci. Mais puis il y a toujours des autres, il y a les mignons, les trucs comme ça, voilà. Mais il y a surtout, enfin, il y a des courts-métrages, donc il y a énormément de choses, les courts-métrages étudiants, les courts-métrages de commande, de télé, tous ces trucs là, c'est super sympa à voir. Après voilà, en fait c'est tu fais ton marché, c'est tu viens voir le genre de choses que t'apprécies, qui t'intéresse. Et c'est connu aussi, il me semble, pour tout un aspect traditionnel, genre le jeté d'avion en papier. Oui, voilà, il y a toujours le petit truc, il va faire tout noir. Ta gueule. Merci. Et puis il y a toujours les bruits, enfin quand le film commence, quand il fait noir, tout le monde fait des. Ouais. Voilà. Tu fais des bruits d'animaux, donc c'est la compète. Mais... Voilà, c'est celui qui sait faire le mieux. Milka, bruiteur national, vous pouvez l'appeler. C'est ça. Je trouve que c'est typique, peut-être un peu français, genre en mode on se fait chier en attendant le film, on va faire des avions en papier avec les prospectus parce qu'on n'a pas de respect, on va essayer de toucher les. Parce qu'on n'a pas de respect. Non, parce qu'au début du festival, ils te donnent, mais genre un sac complet, vraiment, ils t'offrent le sac. Alors, avec pour porter. Et il me semble qu'il s'appelle le Zouzou. C'est ça? Quoi? Le sac Zouzou, un truc comme ça? Oui, je crois. J'ai jamais fait trop gaffe, mais c'est assez moche, généralement. Genre, moi, le mien, il avait une espèce d'ouverture pour un MP3, mais fausse. Mm-hmm. En fait, il y avait du tissu en dessous, tu pouvais rien faire. Et bon, c'est très cheap. Et il te donne un sac complet de prospectus. Et généralement, les gens les gardent, mais voilà, pour déchirer des pages et faire des avions. Donc, trop cool. Les gens, après, si les gens se foirent, tu reçois un avion sur toi, t'essaies de l'améliorer, on va voir. Et tout le monde a sa technique, quoi. Donc, t'as pu voir des films aussi assez spéciaux, enfin, que le grand public peut pas voir forcément dans les grandes salles. Alors, bah, y a des films qui sortent pas en France, on va dire. Alors, je sais pas forcément. Par exemple, Knouch-Knouch, un film de 7 frames secondes. Moi, j'adore les courts-métrages pour ça, parce que c'est vraiment un pêle-mêle de Nawak complet que j'adore. Et justement, tu as toutes les nationalités, surtout que tu as une voix très très solennelle qui à chaque fois annonce non, pour Milka. La Suède. Voilà. Non. Pour la Suède. Pour la Suède. Ouais. Voilà, non, le mec est très froid. Et des tas de trucs. Comme après. Ta gueule. Après, il y a aussi les films, bah ouais, que j'ai dit qui sortent pas trop en France et qui sortent pas trop même ailleurs. C'est dans, il y a une sélection à la fin du festival, il y a des remises de prix, etc. On va dire, il y a les courts, il y a les longs métrages en compétition et hors compétition. Et mais moi, j'avoue que cette année, j'ai surtout pris des trucs qui m'intéressaient, qui vont peut-être sortir au cinéma, des trucs comme ça. Et bah j'ai vu par exemple, Lou Over the Wall. Okay. C'est par le même réalisateur. Alors, j'allais te demander en fait justement tes coups de cœur. Et je savais que c'était Moi Moche et Méchant 3, mais du coup. Oh putain, je vais t'avoir. On en reparlera. Mais ouais, c'est peut-être pas mon coup de cœur parce que j'ai un peu du mal à me souvenir de tout ce que j'ai vu parce que j'ai vraiment vu pas mal de trucs. Mais j'avais énormément apprécié Lou Over the Wall. C'est, alors j'ai oublié son nom et les gens qui regardent, qui aiment l'animation me défonceront de pas me souvenir de son nom. Mais c'est le même réalisateur. Sachant que tu habites aux 15 rues de la paix sur le Monopoly. Il y a des gainers de Monopoly. Si c'est ça, c'est ça. Non, c'est le même réalisateur qui a fait Mind Games. Et voilà, c'est un film d'animation qui était très fun, très coloré. Et qui a une manière d'animer qui est un peu space, qui est un peu bizarre, très organique, qui bouge dans tous les sens. Ouais. Et c'est juste super sympa à voir ça, grand écran. Je vous conseille aussi d'aller sur la page de Boulet, le dessinateur, oui, qui tient un blog absolument incroyable. Je pense que tout le monde le connaît là, c'est pas besoin de faire un petit débat. On mettra ça sur le Facebook. Oui, je dis quoi. Pas besoin. Il a, je sais pas combien de centaines de milliers de visiteurs par jour. Ah, d'accord. Et du coup, il décrit chaque année son aventure à Annecy et c'est assez rigolo et didactique comme d'habitude. Cette année, il a fait ça en duo avec Si, ouais, qui est illustratrice. Et c'est vrai que c'est un peu des fois la rigolo, genre. Je les ai croisés, je les ai vus. Ah, je les ai vus dans la salle au fond, mais je suis pas allée leur parler. Non, pourquoi, mais voilà, non, mais c'est marrant. Et c'est vrai, ouais, que c'est toujours très fun de voir son point de vue lui, puisqu'au final c'est souvent le même que nous, mais c'est marrant que quelqu'un le dise. Oui, voilà. Et toujours avec des petites blagues. Et moi je lui ai offert une bière à Boulet, une bière belge. Une bière belge. Et qu'il a pas bu. D'ailleurs, il était à l'autre bout de la pièce, il l'a jamais su. Non, c'était pas à Annecy, c'était au Festiblog. Voilà, voilà. Et j'ai parlé pendant 30 minutes avec Bastien Vivès sans savoir qui c'était. Ah. Et j'ai vu ses dessins, j'ai fait oh merde. Et bah voilà, Bastien Vivès, très sympa et très accessible. Je l'ai vraiment pas du tout reconnu. Un gars sûr. Ouais. Qui enchaîne, s'il vous plaît, Abe, quelque chose à dire pour votre défense? Non. Non, retourne à la cave. Et Didier non plus, moi je vais parler en fait. Non? Non? J'ai juste faim. J'ai juste faim, mais mon restaurant préféré il est fermé pour l'été, tu vois. Donc je suis en train de t'éclater. Ah merde! Mais ouais. C'est quoi ton restaurant préféré? Ah bah tiens, vas-y, c'est ton bol. Mais voilà. J'en ai déjà parlé, hein. C'est l'auberge d'Oshine. Ah oui. Bah, moi, l'auberge d'Oshine, hein. À Bando. Hein. Arrête Sauce Park. L'auberge des Tolaï Lavang. Ah, moi je conseille chez Joy. Pardon, je reprenais un accent chelou. Chez Joy, qui est rue Daguerre, qui est absolument magnifique, si vous aimez la nourriture vietnamienne. Voilà, voilà. Moi, je conseille le grec en face de la guerre, à Enghien-les-Bains. Ce grec a été 3 fois de suite élu meilleur grec de France. Voilà. Kebab, pas meilleur kebab. Alors, moi, je vais parler. J'avais parlé de SpaceX, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais parlé d'espace, Thomas Pesquet, SpaceX, qui ramenait des fusées et tout et tout. Et du coup, j'ai vachement envie de parler de Tesla. Et je vais essayer de faire court, de ne pas y passer 14 milliards d'années, parce que je serais capable, j'imagine. Alors, en tout cas, je saoule suffisamment ma famille avec ça. Ouais, je confirme. Mais, et les amis. Et le chat de mon voisin. Oui, c'est pas cool. Du coup, en fait, Tesla, donc, c'est la marque de voiture créée donc, par Elon Musk. Pas seulement, évidemment. Ils sont plusieurs. Il a racheté la société. Mais bref, c'est celui qui, au jour d'aujourd'hui, incarne la société. Tesla, qui est donc une marque de voiture totalement électrique et de panneaux solaires et d'industrie d'énergie renouvelable électrique. Et en fait, la nouvelle, c'est qu'ils sortent le modèle 3. Au jour d'aujourd'hui, il y a la première voiture qui est sortie de l'usine, donc de Fremont, en Californie. Et donc, le 28 juillet, il y aura donc la soirée de célébration, de démonstration. Voilà, la voiture est sortie. Et sachant qu'il y a un nombre de précommandes absolument incroyable. Et la Model 3, qu'est-ce que c'est? C'est donc dans le plan machiavélique, comme le dit notre cher ami Elon Musk de Tesla, eh bien, ils ont d'abord sorti donc un petit roadster, une petite voiture très sportive qui prouvait les capacités de l'électrique, c'est-à-dire que bah, tu peux t'amuser avec l'électrique, tu peux avoir de la distance et tout avec, enfin tu peux aller loin, et c'est très sympa, et c'est ça a marché, ça a convaincu les gens. Deuxième voiture, c'était la Model S, une berline, qui à part son moteur électrique ne se différencie pas du tout des autres au final, avec 400 km d'autonomie, des trucs absolument fabuleux, un système en fait de pilotage automatique qui certes oui il y en a dans d'autres marques de voitures mais qui pour le coup est le meilleur tout simplement sur le marché. Et ils ont ensuite sorti donc le Model X qui est un gros SUV qui a un peu les mêmes particularités que ce Model S, donc électrique, sécurité, système de pilotage automatique et tout, Il y a plein de petits détails, enfin, des trucs de fou. Par exemple, pour te dire, les aérations de ces voitures sont tellement perfectionnées que ça peut résister à une attaque bactériologique. Voilà. Du coup, il n'y aura pas de perte d'énergie si jamais le mec met la clim à l'intérieur, quoi. C'est assez bien... fermé hermétiquement. Oh putain, elle a lâché une caisse, le con. Ah, oui, mais... merde, ouvrez les fenêtres. Rien que pour dire, un moteur à essence, enfin un moteur thermique, en fait, produit beaucoup plus, a besoin de beaucoup plus d'énergie. Enfin, l'énergie que produit le moteur, en fait, tout n'est pas... C'est vraiment un pourcentage très faible qui est transmis donc, au déplacement de la voiture. Ouais. Les techniciens du monde entier se penchent sur ça pour essayer de les rendre les plus perfectionnibles. Rediriger les pertes énergétiques Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je sais plus, c'est genre 5%, 3% de la puissance du moteur, je sais plus. Mais c'est un chiffre assez dérisoire. Et pour la voiture électrique, ça va être de l'ordre de 93%. Et donc pour revenir juste au plan machiavélique, c'est que la particularité de ces deux voitures, la S et la X, c'est qu'elles étaient très chères. Genre, c'est de 80 000 euros à 120 000 euros, quoi. Ouais, c'est inabordable. Exactement. Et le Model 3, c'est la première voiture qui sort de la marque Tesla qui sera abordable, avec un prix de départ de 35 000 dollars. Et c'est vraiment pas cher. Le prix d'une voiture normale, quoi. Enfin, tu peux. Fais mes études. Oui, mais c'est à dire que. Non, mais évidemment, c'est une berline, c'est plutôt. Ça va plutôt se positionner sur. 35 000 balles, ça va. En concurrence avec BM, Audi et tout et tout. Mais oui, ça reste abordable dans tous les cas. En plus, tu la prends d'occasion, tu vas diviser peut-être le prix par deux parce que les voitures électriques se revendent très bien d'occasion vu qu'il n'y a pas de maintenance à faire sur le moteur, il n'y a que les pneus, les freins à vérifier puisqu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de liquide en plus, il n'y a pas c'est très simple et du coup tu peux racheter une voiture électrique finalement presque en toute confiance quoi. Mais il faut faire attention à quelques petits détails quoi. Et du coup le Model 3 c'est la voiture que j'attends de ouf et voilà, je crois que j'ai perdu à peu près la moitié des auditeurs mais moi ça me passionne. Comment vous avez compris que c'est un passionné? Juste en tout cas je fais la pub de ça puisque c'est important. Ils lui ont donné de l'argent pour qu'il fasse ça. Mais non, mais c'est mais de l'argent, justement, c'est le contraire. C'est plutôt les lobbies du pétrolier qui en ont et qui font chier. Mais d'un côté, tous ces lobbies... Sauvons la planète, s'il vous plaît. Mais, oui, exactement. Mais même, il y a des gens qui se sentent pas concernés par ça. Mais si tu veux, en tout cas, déjà, rien qu'aux États-Unis, selon donc des études indépendantes, les émissions de pollution des voitures, en fait, seraient responsables d'à peu près 60 000 morts par an, ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Sans parler de toutes les espèces et la faune. Et la création d'un smog au-dessus des villes. Quoi. Mexico, c'est affreux. Beijing, Pékin. Tokyo, je sais pas, mais Beijing, Paris, on a eu des jours marrants. Vous vous rappelez, c'était il y a deux ans, le nuage de pollution qu'il y avait à Paris. Mais non, c'était même l'année dernière. C'est revenu, pareil. Et les services de cancérologie sont, à mon avis, remplis malheureusement de personnes qui ont peut-être subi ça. Après, il faut attendre des études sur le sujet pour s'avancer. Ça commence, en tout cas, il y a une corrélation qui est prouvée. et c'est très impressionnant. Régularisation de la population, mon gars. Oh non, mais. C'est incroyable. Hunger Games. Non, mais c'est, tout est prévu, de toute façon. On est manipulé. Ah, mais oui, c'est vrai, les dragons. Mais explique, les Français veulent savoir. C'est un complot, de toute façon. Les Français en ont marre. Ouais. c'est quoi, je vais vous dire ce que les Français pensent. Ah, parce que moi, je le sais. Nous, la France, la France du peuple, c'est moi. Là, oui, la candidate du peuple. Merci, Marine. les reptiliens de Kyle ici. C'est un complot musulmano-socialo-maçonnique, n'est-ce pas? Oui, non, mais aussi. Les complots, on est d'accord que ça existe. Il y en a que beaucoup de gens aiment à inventer en ce moment. On l'a dénoncé dans notre épisode sur les complots et le débunkage. Mais en tout cas, la voiture électrique, elle existe depuis très longtemps. La première voiture à avoir dépassé les 100 km/h. Non, c'est 1903, je crois, 1905, je ne sais plus. Mais en tout cas, début du 20e siècle. Il y avait déjà des voitures électriques. Il y avait déjà des voitures électriques depuis le début de la voiture. C'est dingue. Les gens, au début de la voiture, préféraient les voitures électriques. Mais... car elles étaient plus silencieuses et plus agréables à conduire parce qu'il y avait moins d'à-coups. Alors que la voiture à essence, tu devais, avec un énorme démarreur à manivelle, mouliner. Et en plus, tu voulais la recharger à la maison, quoi. Mais plus globalement, l'énergie propre, ça fait des années déjà que les scientifiques n'arrêtent pas de dire coucou, ça existe en fait, on pourrait faire marcher ça. Quoi. Genre, les routes solaires, les Qataris, machin, ils ont envie de dire bah non les gars, nous notre économie est sous le camp. Et oui, et justement, si tu te sens concerné par la paix dans le monde, tu te dis que rouler en voiture électrique, c'est déjà un pas pour te dire que fuck it, les guerres à cause du pétrole, je me sentirais plus concerné par ça. Ouais. Et donc, en effet, je pense que rouler à l'électrique, c'est bien pour plein de raisons. Et je pense qu'on ne les dit pas assez et que ça garde toujours une image très négative. Je vois beaucoup d'amis autour de moi qui sont persuadés que les voitures électriques polluent tout autant que les voitures à essence. Parce que l'électricité, par exemple, en France, 75% de l'électricité vient du nucléaire. Oui, c'est pas cool. Mais dans tous les cas, ta voiture, elle est électrique. Et en plus, tu peux s'assurer qu'elle vienne d'un système écologique, qu'elle est reliée à un... qu'elles prennent de l'électricité par exemple de fermes solaires, des trucs comme ça quoi. Après ils essayent de faire des compromis, ils font des voitures hybrides, ils font un mix machin. Mais souvent en fait c'est parce que les gens sont restés bloqués sur les voitures hybrides, genre mais il y a un moteur dedans qui pollue quand même, mais non, on te parle d'électrique là. Oui, mais dans tous les cas ça pollue en effet, voilà. Dans tous les cas ça reste un peu illusoire. C'est dans... enfin, je veux dire, la moyenne... Il faut juste reprendre les promenades à cheval. Voilà, c'est la solution. Oui, merde. Mais c'est casse-couille, un cheval. Et puis, ça va pas avoir l'autonomie. Les chiens d'un... bouffent les crottes de cheval. Elles sont très riches nutritionnellement. Les quoi? J'ai fait de l'équitation quand j'étais petit, et en fait, les chevaux... Et c'est le seul truc que j'ai retenu, c'est le caca des chevaux. Ils bouffent le foin, tu vois, et ils le chient, mais en fait, il est à moitié digéré, mais il reste quand même pas mal d'oligo-éléments du foin dans leur merde. Et il y a beaucoup de chiens qui les bouffent, parce qu'en fait, c'est comme si ils prémâchaient le foin. Et comme il faut avoir un estomac costaud, voire plusieurs estomacs comme la vache pour digérer l'herbe, le foin ou quoi, en fait, ils le prédigèrent. Et ça permet aux animaux qui ont des systèmes digestifs moins puissants, comme les chiens, les chevreuils, tous les autres animaux, de bouffer la merde de cheval. Ça a l'air dégueulasse, mais c'est vrai. Non, mais même si on se promenait à cheval, il y aurait des conspirations, genre, non, mais la merde du CO2, ça fait des trous, couche d'ozone. Est-ce que t'es pro-poney ou pro-étalon Il juge par la taille, lui. Après, le problème des chevaux, c'est l'autonomie. Hein. Ça va pas. Qui voyage loin, ménage sa montée. Exactement, quoi. On aime. C'est pas l'autonomie, c'est juste le temps qui va changer, quoi. Le temps que tu mets d'aller à un point A au point B. Fais Paris-Marseille à cheval. Oui, c'est sûr, dans un mois. un cheval par personne. Et aussi, on parlait d'autonomie. Les gens sont persuadés aussi que c'est un frein à la vente. Alors qu'en moyenne, les gens... je cite les chiffres que j'ai aux États-Unis en 2008. La moyenne, c'est 46 km par jour. Genre, avec une voiture électrique qui a de 150 à 400 km d'autonomie, voire 700 pour le modèle le plus cher. Oui, t'as D'où t'as besoin d'autant de kilomètres? Ah, mais c'est humain, c'est genre t'aimes pas être limité. Ah bon, ouais. Je peux pas faire ça? Bah, je la prends pas! Mais tu bouges pas, tu vas à Carrefour, c'est tout. Et c'est pour ça que l'intérêt des voitures Tesla, c'est d'avoir des superchargeurs. C'est un système où vraiment tu peux recharger ta bagnole très très rapidement avec une recharge super puissante et en 30 minutes, t'as rechargé ta bagnole. Et au final, sur un parcours de 800 km, tu fais une pause de 30 minutes. Genre, c'est normal quoi, t'en fais plein des pauses. Normalement, si t'es censé les faire. Et voilà ce qui conclut mon petit sujet sur Tesla. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Je crois que plus que Game of Thrones. Plus que Game of Thrones. Ouais, mais les gens ont répondu et ça avait l'air un petit peu intéressé. Ouais, c'était de la merde. Mais tout ça en fait pour passer à une autre chanson. Qui, avant de donc passer à notre sujet sur BoJack Horseman. Qui est la chanson donc LCD Sound System qui est Get Innocuous. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. Non. Enfin, je reconnais un peu le rythme, mais. Elle est dans GTA celle-ci. Ah bravo, ouais, il va te trouver direct. En effet, ouais, elle est dans GTA 4. Et c'est une chanson donc qui était pour les promotions et aussi qui se retrouve dans le jeu. Et ce qui arrive souvent, c'est. Les pubs les chansons qui se retrouvent dans les pubs de GTA se retrouvent dans les radios du jeu et tout. Et c'est donc un groupe anglais, c'est un mec surtout, James Murphy, qui a créé un peu ce truc de DJ anglais un peu foufou, et c'est assez malade. Du coup, je vous disais, je frappais cette personne, je la jetais dans la poubelle, et puis après, j'ai commencé à prendre la voiture et à rouler sur tout le monde. Et ensuite, sur tout le monde. Et ensuite, je suis retourné à la maison jouer à GTA. Retourner la blague. Du coup, c'était donc LCD Sound System, et on a appris beaucoup de choses sur. La vie de, des personnes autour de cette table. Ouais, c'était très romantique. Pause, c'était très romantique. Alors, que vous a inspiré cette chanson ? Pocotica. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est assez, comment dire, répétitif. Ouais, c'est en tétant. Je me suis vu au volant d'une voiture, gangster. Cool of the gang. Alors, BoJack Horseman, donc c'est une série télévisée américaine créée par Raphaël Bob Wasberg. On reviendra un peu sur qui dessine quoi parce que j'ai pas tout compris. Donc, c'est diffusé depuis 2014 sur Netflix. Surtout sur Netflix, donc dans les pays francophones. Et du coup, la série, ça se passe dans un monde anthropomorphique. C'est-à-dire que les animaux et les humains, c'est la même. Ils vivent tous ensemble. Il y a des gnous, c'est son collègue de bureau et tout et tout. Et donc, ça raconte l'histoire de BoJack Horseman, qui est un homme cheval, qui est un horseman. Et qui jouait dans une série télé très célèbre, Horsin' Around, qui l'a rendu célèbre. Après cette série, il est un peu tombé dans l'oubli et dans rien branler. Et dans beaucoup de substances. Et prendre beaucoup de substances avec son pote Todd, qui vit depuis 3 ans sur son canapé. Et qui l'accompagne dans ses aventures. Et pour découvrir ça avec nous, eh bien, on va passer la bande-annonce. Oh, is it this guy? Oh my god, he's got a gun! Relax, it's a lighter. How much lighter fluid can I take on the plane? And before you answer, remember, I'm a celebrity. Why didn't you refill your bird feeder, huh? Yeah, who's a bird gotta blow to get some seed around here? You'll never guess who's here. BoJack Horseman. He got a little fatter, but it's definitely him. Why so gloomy, Rumi? Do people not like me? What were we talking about? Everyone is just out to get me because I'm famous and so well-adjusted. OMMFG! Yeah, it's me, straight off your TV screens and into your shitty lives. Oh, hello. What the? My book's coming out soon. Summon to the door! You don't even respect me not to have a baby with me. I never explicitly said that. Oh, isn't he the cutest baby you ever saw? What? What? What? No, no, what? Oh my god. She was supposed to be my friend. You'll start Ray! To like it. I think you have a serious drug problem. The only drug I need is horse. What is happening? Guys, what are you doing? No! No! Why are you? This is a very bad idea. Oh my god, my arm? You got my arm. Ow. I'm in it now. Oh god, no! I'm a part of it! Et voilà, BoJack Horseman, la série d'animation donc, et qui raconte donc cette histoire d'une star cheval complètement déglingos, et on est dans le thème de l'animation sur ces deux épisodes qu'on vient de faire là, d'enfiler, et c'est un peu de la faute du JA, dis donc, tu es une grande fan de BoJack Horseman. Oui, tout à fait. je suis surtout une grande fan de Mr. Peanut Butter. Aussi. Et non, bah, moi j'ai pris mon pied complètement avec cette série. C'est un peu ce qui s'est passé comme avec Rick et Morty. Genre j'ai pas accroché tout début. Mm-hmm. Et une fois que j'étais dedans, quoi, j'avais passé ma vie à regarder ça. Quoi. Oui, on va le voir que pas mal de gens n'ont pas accroché au début et finalement commencent par apprécier au bout de surtout la saison 2. Abe, toi t'as regardé. Moi j'ai regardé les 3 premiers épisodes, je crois. Et j'ai rien compris. Enfin, je comprenais pas l'intérêt en fait de la série. Je comprenais pas le but, le message. Et du coup, bah, j'ai arrêté. C'est vrai qu'au début, donc la série se passe à Hollywood. Enfin, c'est vraiment l'univers, je pense, le plus superficiel du monde. Je sais pas comment dire ça autrement. Et c'est vrai qu'au début, tu te dis, mais ça sert à quoi de montrer tout ça? Et ça sert à quoi sa vie? Bilka, tu disais, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve le concept sympatoche parce que j'ai vu qu'il y a. Pourquoi avoir foutu des animaux? Enfin, il y en a qui sont animaux qui ne le sont pas, pourquoi? Mais en fait, en regardant plusieurs épisodes, en fait, ceux qui sont en animaux sont des stéréotypes qui correspondent à ces animaux. Par exemple, c'est pas du spoil si je parle de quelques personnages. Genre son agent qui est son ex là qui est chat, bah c'est une chatte en chaleur. À un moment donné il y a dans son... bah non mais c'est ça ouais, à un moment donné il est dans un truc où il y a plein de meufs qui piaillent des poules de luxe, il y en a une parmi elles, c'est une poule. Ou les paparazzi par exemple, c'est des oiseaux. Ouais, c'est des ça. Pies, ouais, comme les ornithologues quoi, qui sont les paparazzi des oiseaux. J'ai trouvé ça paraît très rigolo. Pareil avec le mari de son ghostwriter, qui est un chien qui met tout le temps sa tête par la fenêtre quand il parle. Ça fait penser aux kékés de la West Coast qui ont des jantes et des amorces sans malin. Et puis c'est un labrador, du coup il est tout le temps content. Ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Par contre. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Rick et Morty parce que on enchaîne un peu la série. Non, je vais essayer de traiter ça de manière indépendante. Je trouve qu'en fait il y a un duel dans y a un duel dans ma tête. Non, je vais essayer de faire ça. Moi j'ai pas trop aimé au début. Après ça avait son charme, mais en fait ça m'a pas plu de ouf parce qu'en fait je trouve que l'histoire est trop centrée sur le personnage principal, c'est lui qui fait tout l'humour et les autres personnages en fait c'est les univers et les directions où lui-même peut aller. En fait, c'est des extensions de lui-même. Les autres personnages, ils n'ont pas leur personnalité propre, je trouve, par rapport à Rick et Morty, par exemple. Et tu t'es arrêté à quelle saison? Je me suis arrêté à la moitié de la première. D'accord. Et dans la 2, ça commence à beaucoup des critiques plus évoluer. Oui, on m'a dit ça. Ça va aller très loin. Ok, bon, je regarde à la suite pour avoir un avis définitif. Didi, qu'est-ce que t'en as pensé Ouais, comme Rick et Morty, j'ai vu que... Je crois celui-là, j'ai vu que le premier épisode que tu m'as montré. D'accord. Voilà, mais en fait... c'est assez décalé, je dois l'avouer. Et le problème, c'est que je pense qu'il faut une certaine humeur pour pouvoir apprécier. En fait, comme c'est très déprimant, le personnage est déprimant. J'étais déprimée, j'avais pas envie de la regarder la série. Plus déprimant que Rick et Morty. Mais parce que Rick et Morty, en fait, il y a tellement. Non, mais c'est du n'importe quoi. C'est tellement trop n'importe quoi. Alors que je suis désolée, tu regardes le premier épisode de BoJack Horseman. Tu dis putain, mais quel intérêt ce gars-là, en fait, c'est juste un has-been d'Hollywood. J'ai le même effet, je crois, en fait. Et en fait, voilà, il m'a fait tomber dans ma dépression, ce gars, tu vois. J'étais là, je dis, oh putain, vas-y, bouge c'est ton pas cul. Joyeux, quoi. D'ailleurs, l'histoire m'a un peu fait penser à Californication. Le mec qui est là, qui navigue dans un environnement d'Hollywood, enfin on voit le dark side d'Hollywood, où on voit que c'est tous des cons, machin, qui mendient la célébrité. Ça m'a fait un. C'est à quoi oui, non, mais carrément, tu peux faire le... De toute façon, même dans les pubs, ils faisaient le rapprochement entre les deux séries, hein. C'est sûr. Et en plus, ce personnage de cheval est joué par un acteur assez connu, il me semble. Un vrai étalon. J'avoue que le nom ne revient pas, ce mec c'est Gob à vie parce que c'est son perso dans Arrested Development. Et avec lui, ils ont misé sur le bon cheval. Et en fait, le dessin animé est réalisé par. Les dessins sont réalisés par qui? C'est notre chère Lisa Annawalt, donc une américaine qui a fait les dessins et qui bien avant faisait déjà des dessins en fait. Pas anamorphosée, mais anthropomorphique. Oh là là. Je me rappelle Zootopia. Qu'elle était très à cheval sur ça. Ah oui, J'en ai d'autres. Ouais, je vais les placer tout au long du La liste a l'air longue, je la vois ici. Tu gagnes un bonus sur ton salaire à chaque fois que tu fais une blague comme ça. Alors, Et donc oui, elle a dessiné tout ça, et c'est une personne, on peut l'entendre sur, sur une conférence, je pense, j'ai l'impression que c'est sa seule apparition, en tout cas sur YouTube, où elle parle de son côté très... enfin, elle remet tout à deux mains, donc c'est... Le mot, c'est... C'est... quand on remet tout à demain, on est procrastinateur. La procrastination, voilà. Exactement. Et je l'ai appris cette année, ce mot-là. Et tu vois, ouais. La définition dans le dico, je pense que tu vois très bien ma figure. Ouais, je confirme. Du moment que tu montes pas sur tes grands chevaux. Tu l'as pas déjà fait, celle-là ? Non, je l'ai pas. D'accord. Et du coup, cette personne donc, a eu beaucoup de problèmes à créer et à travailler sur ses projets, et c'est beaucoup de mal de confiance en elle. Elle avait vraiment pas confiance en son travail, et je pense que tout dessinateur passe par cette phase. Est-ce que tu veux lui dire quelques mots sur ça, Julien? Non, moi j'adore mon travail. J'adore quand les gens le regardent. Non, bah surtout quand tu crées quelque chose, enfin tu plus sur une série comme ça, enfin. Plus tu passes de temps sur ton travail, plus tu vas le questionner, tout remettre en question, et ça va forcément plus te plaire, ça va te dire putain pourquoi j'ai fait ça, pourquoi est-ce que je prends la peine même de faire ces trucs là, est-ce que ça va intéresser quelqu'un. De toute façon, la solution c'est de trouver le bon remède. Je m'attendais à une blague sur les chevaux là. Mais j'avoue là je cherchais. Bah, alors, je comprenais pas. Bah, un remède de cheval. Voilà. Je suis sincèrement intéressée jusqu'où vont ces blagues. J'en ai plein d'autres. J'ai fait les deux tiers là. Comptez à la maison. Et mais du coup, avec tous ces problèmes, en fait, elle a créé pas mal de petits trucs. Elle a aussi un compte Instagram, je crois, ou je sais plus sur quel site. Elle publie pas mal de trucs qui sont assez rigolos. Et cette personne, donc, on fait directement le lien en fait avec BoJack Horseman. C'est la peur de créer quelque chose d'autre, pas savoir si on est un vrai artiste. Bon, après, évidemment, le côté narcissique complètement connard, tu l'enlèves parce qu'elle a l'air sympa, la nana. Mais en même temps, elle a l'air d'assumer le fait que des fois, elle bitch un peu sur d'autres trucs. Mais en tout cas, ce perso, donc BoJack Horseman, c'est le mec que t'aimes détester. C'est exactement Moi, je le trouve super bien écrit. Enfin, ouais, en fait, c'est ce genre de mec, il faut trouver le bon équilibre, parce que si c'est tout le temps un connard, s'il fait tout le temps du mal aux gens qui tiennent à lui, etc., tu en auras plus rien à foutre de lui, tu voudras qu'il disparaisse. Il y a des séries comme ça, je sais pas si ça parle à des gens, mais Community. Bon, peut-être pas. Je connais le nom, mais j'ai marqué. Voilà, peut-être à des auditeurs. Il y a un personnage, c'est genre le vieux en gros du groupe. Et ce mec va tellement être un salaud tout le temps qu'ils vont vraiment le faire disparaître de la série parce que les gens pouvaient plus le supporter. C'était juste un connard. Et hashtag Geoffrey. Non, Geoffrey, on adorait le détester. Par contre, dans The Walking Dead, la femme de Rick, elle était chiante. On était heureux qu'elle meure. Hein. Aussi, l'assistant du shérif. Ça va rien. Putain, je vais devoir faire plein de première time saison. Code. Non, mais première saison. Non, mais t'inquiète. Première saison aussi, tu sais, l'assistant du shérif, l'adjoint du shérif là. Oh, putain, t'avais trop envie qu'il se meure lui aussi. Bah, c'est celui qui. Oui, oh, je me meurs. Vas-y, se meurs toi. Non, mais se meurs toi. C'était celui qui se tapait la femme de Rick. Ouais. Voilà. Allant, ah, oui, son ami. Balance. Ouais, ils l'ont abattu comme un cheval qui mourait. Mais non. Un cheval à l'agonie. Un combat western, là, genre. Ouais. On sent que ça racle le fond de ses blagues. En plus, la meuf, je me rappelle, elle avait vraiment des culottes de cheval. Oh, il remonte. Alors, mais en effet, ce perso, à chaque fois qu'il fait aussi des trucs méchants, c'est justifié. C'est-à-dire que, ou t'as un espèce de petit flashback comme quoi, tu te rends compte que, putain, il a pas eu une enfance facile du tout. Avec son père. Ouais, avec son père et sa mère qui lui dit tout le temps, genre... J'ai pris du poids à cause de l'accouchement de toi, tu m'as vraiment fait que du mal, hein. Des trucs de ouf, quoi. Et après aussi, il a peur d'être seul, il s'est nourri tellement par ses peurs, ses angoisses, que t'as l'impression de voir un enfant évoluer, et c'est finalement plus touchant que parfois horrible, parce que les autres personnages autour de lui, comme dans la saison 1 surtout, ils ont l'air plutôt sains, tout autour d'eux, ils sont plutôt cool. Et ben, ils retombent toujours sur leurs pattes, et malgré les actions négatives de BoJack. Quoi. Exactement, ouais. Mais Et du coup, ça semble un peu plus enfantin. Il y a moins de... Donc, dans la première saison, c'est les trucs qui fait horrible. T'as l'impression que ça a moins d'impact sur les autres personnages, sur la vie des autres personnages. C'est ce côté série qu'on a des fois, ouais, où voilà. C'est des persos, on s'en fout un peu, donc on... les conséquences, c'est un monde fictif, c'est pas, ça existe pas, mais en fait si. Oui, voilà. Et dans la deuxième saison, ça va beaucoup plus évoluer dans ça, où, ah non, en fait, il y a vraiment des trucs, si tu fais quelque chose, quelqu'un, c'est très grave, et c'est ultra touchant, et ça prend, et finalement, toute la série prend alors que c'est du cartoon, enfin je veux dire, les dessins sont pas très réalistes. Ça a été avoué par les créateurs, ça. Je crois me souvenir, mais ils avaient vraiment dit, on l'a fait exprès de faire ça, de faire un truc anthropomorphe en cartoon, etc., pour vous piéger complètement dans le truc. Enfin, vous disiez, c'est des conneries, de toute façon, c'est marrant. De toute façon, c'est des petits Mickey. C'est fait par ordinateur. C'est des ordinateurs qui font ça. Il y a une touche pour les ombres. Ouais, alors tu fais marche plus, ça fait des Mickey. Alors que ça a l'air d'être dessiné. À mon avis, c'est plutôt dessiné à la main et ensuite animé en 2D sur After Effects. C'est avec marionnettes, quoi. Alors, pour le bien de ma communauté, je tiens à préciser que évidemment tout est fait à la main. On a besoin de gens, en fait. Donc les gens font les choses avec leurs petits mains. Non, ça peut être créé sur logiciel. Oui, moi je parle pas fait par ordinateur ou pas. Je parle simplement du support, tu vois. C'est pas fait par un ordinateur, c'est fait sur un ordinateur, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et du coup, ils ont utilisé, à mon avis, peut-être un effet de. Non, mais ils dessinent donc d'abord à la main, t'as l'impression que c'est fait au feutre, à l'aquarelle, il y a un style assez presque enfantin, assez rigolo, très coloré. Et comme tu le dis, tout ça pour aborder des thèmes super profonds. Et qui te font dire waouh, c'est complètement humain cette série au final. Et complètement adulte et complètement sérieuse et super cool, quoi. Et juste un peu trop axé sur le personnage principal. Mais ça, je trouve ça un point positif et négatif à la fois, en fait. En fait, ça me plaît en même temps qu'on te donne jamais tout, quoi. Genre, parce que aussi, ça ferait peut-être bizarre, au bout d'un moment dans la série, de faire ces espèces de trucs, épisode filler, en mode, tiens, on va se concentrer sur la journée de machin. Mais c'est ce qu'ils font d'ailleurs à un moment quand même. Ils font un épisode où ils se concentrent sur la manager. Et dès que tu te concentres sur d'autres personnages, c'est bien de le doser, parce que c'est beaucoup plus riche comme ça. Ok. Scénario dans ta gueule. Et boum, j'ai pas tout vu, mec. Mic drop. Enfin non, j'ai pas tout vu. Ouais, c'est le truc un peu qu'on a dit au début, très, je trouve, chiant, parce que c'est difficile d'embarquer d'autres gens dans cette série qui est vraiment vraiment géniale, mais qui met beaucoup de temps à démarrer pour arriver au truc un peu émouvant et tout, au truc qu'on recherche dans une série, déclencher des sentiments, on le retrouve aussi sur, par exemple, Rotten Tomatoes, Metacritic ou quoi, où la première saison a des notes vraiment moitié-moitié, divisées, quoi. Et les deux autres, après, on trouve, la série a vraiment trouvé son public, et ça a des notes de fou, quoi, du 90%, vraiment... La série a reçu des prix, plus, de toute façon. Ils n'avaient pas d'argent pour saison 1. Non, mais après, c'est comme toute saison, comme tu dis pour Game of Thrones. Tu dois poser ça dépend les personnages. Ouais. Même si la saison 1 est ouf. Mais ça dépend. Par exemple, The Walking Dead, je crois, pour la saison 1, tu voyais qu'ils avaient beaucoup moins de moyens que pour les dernières saisons. Ouf. Ça se voit, mais vraiment. J'ai revu la saison 1, elle fait pitié. T'as l'impression que c'est du fan-made. Même les caméras et tout, ils avaient pas le même matériel. Ouais. Mais c'est vrai que Rick and Morty, par exemple, dès le premier épisode, t'es dedans, quoi. Moi je trouve que BoJack Horseman, oui, t'es dedans dès le premier épisode, mais pour quelque chose de différent que ce que ça va montrer par la suite. Et moi je trouve que c'est pas très très cool, mais en tout cas, je pense qu'on va passer directement après une page de chansonnette. Oh yeah! Et oui, la zone de spoil. Et ça nous permet du coup de passer donc. Atlantique Sud. Ouais, et on y va au triple galop. sans toi. Comment veux-tu que j'avance? J'ai perdu ton visage. J'ai pas peur. Et si jamais tout s'efface, je saurai à nouveau tout redessiner. N'aie pas peur. Allez, viens. Tu peux bien. Oui, je te suis. J'ai perdu l'habitude. Je prends de l'attitude. Des gens qui pensent. C'est magnifique. J'avais l'impression d'être à la féerie dansante des sirènes. Non, moi, je me croyais plus, tu vois, le soleil qui se couche, là, avec les petits... Avec un homme, une femme, en voiture, qu'elle accompagne chez elle. Oui, elle a un petit... Ah oui, il a un petit... Ah, tout le monde se demande de quoi on parle pendant les pauses musicales. Peut-être que Bill Kahn nous dévoilerait ça. Ah ben, on ferait une chronique, à part on fera un HS un jour. Mais sinon, si tu remplaces les noms par des animaux, peut-être comme dans BoJack Horseman, est-ce que ça disons marcherait ? Disons qu'un lion est tombé amoureux d'un agneau et... Ah non, ça c'est Twilight. Il le dit en plus. Et voilà le loup qui s'était pris de l'agneau. Non mais on sait tous que quand tu vas à la lumière, c'est pas 10 diamants sur ta peau, hein. C'est plutôt genre c'est crochetard. Salaud, parce que les roues sont phosphores et phobiques, c'est ça? Je viens d'inventer un mot, ou il existe déjà? Non mais ce serait un concept d'émission en vrai, genre tu enregistres pas du tout la vraie émission et t'allumes le micro uniquement quand on fait des pauses. J'avoue, coupe tout. On dit des trucs en HS, j'avoue. C'est ce que font les ingé-sons sur les tournages, hein, je préviens pour les gens. Ah ouais. Moi, je m'amuse à faire ça. Ah ouais, pour tous ceux qui ont tourné avec moi. Quoi ? Je vous préviens, j'ai plein de dossiers. Bah, elle a toute la rétrospective de Céline Dion par moi, du coup. Alors, comment dire, je suis très habituée au Disney, au classique Disney. Ah ouais, hein. Je confirme. J'ai toutes les private jokes du petit diable qu'on connaît. Parce que ça, elle le sait pas. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais, mais ceci et sur moi, il y a quoi sur moi, il y a quoi rien encore, t'étais trop occupé à diriger le truc, c'était pas marrant. Oh, too busy. T'étais trop sérieux. Mais ceci est une autre histoire. Ouais, ceci est une autre histoire. On va faire un peu comme pour Rick et Morty la semaine dernière, c'est que. Enfin, quand on diffusera, quand on aura diffusé cet épisode, c'est que on va un peu passer sur les moments qu'on a bien aimés. Et je, comme vous aimez pas trop la série, qu'est-ce qui vous a déjà plu, Bilka? Comment? Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le les parents qui sont des gros connards. Où tu as, je me rappelle un épisode où tu as un petit flashback où tu vois Horseman, il est tout petit, il cherche l'affection de son père. Hé, papa, regarde! Et en fait, le père, il l'envoie chier. Il dit, c'est ta faute si je suis un simple ouvrier, si je suis gros ou quoi, c'est ta faute. Et le pauvre petit pépère, il a le cœur tout détruit. Je trouve ça trop mignon. Et toi qui, et en plus, du coup, son père un peu de substitution, c'est... C'est son modèle, mais non, c'est pas son manager. Son manager, c'est le mec qui a fait les mêmes séries que lui au même moment. Mais non, c'est pas lui. C'est, alors déjà, Monsieur Peanut Butter, c'est pas du tout au même moment, c'est un peu après, et c'est genre la série copiée sur ça. Non, c'est... Tu parles de l'autre cheval. L'autre cheval. Les talons, c'est ça, c'est sur qui il y a une biographie, sans en dire trop. Exactement. Okay, voilà, mais ils auraient peut-être dû miser sur le bon cheval. Ah oui, d'ailleurs, en plus, ce cheval, il est pris dans des affaires de paris sur de l'équitation, sur des paris de course de chevaux. Eh ouais, c'est un c'est série... l'ironie de la série qui apparaît un peu tout le temps. Mais cette série donc passe des moments assez émotionnels. Vous en devez pas retirer un petit coup en trois épisodes. Il y a aussi une chose que je trouvais mignon, c'est son pote qui vit à ses crochets, entre parenthèses son coloc. Je trouve ça mignon de temps en temps, la façon où il a de le saborder, de le démoraliser, de lui dire que c'est une grosse merde parce qu'en fait il veut le garder auprès de lui, il a peur d'être abandonné. Quoi. C'est dans les premiers épisodes, en fait, Todd commence un opéra rock d'au moins 4 heures. Mozart, l'opéra rock. Voilà, et en fait, vraiment très surprenamment réussi, et va diffuser son opéra rock et tout. Et puis il est trop content, il dit à Bojack, mais c'est trop bien, tu te rends compte, je vais pouvoir déménager et tout. Et là, Bojack est pas... Et là, oh merde, oh bordel. Et, ouais, tu as pris un acteur comme ça. Et du coup, décide de le re-rendre addict à un jeu vidéo... l'enculé. il veut pas le lâcher. Son opéra rock et... Et il a réagi, oh l'enculé. c'est ce genre de petit truc, c'est tout le temps que ça revient bam, ça te balance les conséquences de ses actes en pleine face ou et il s'en fout. Ouais. Pas trop. Enfin, je sais pas, c'est fou. Enfin, bref, il y a aussi toute son histoire de trahison avec son ancien meilleur ami, ancien camarade en fait de la série, puisque c'est grâce à ce mec que il a réussi. Et il lui a foutu un gros couteau dans le dos. Enfin. Oui, c'est quand il a avoué son homosexualité. Non ouais, voilà, et qu'il s'est fait virer. Et Bojack aurait pu dire vous continuez pas la série sans lui. Et il l'a pas fait. Il a pensé à sa carrière. Et voilà. Et là, tu te retrouves 20 ans plus tard avec un gars qui a le cancer et qui revoit Bojack Horseman pour la première fois depuis 15 ans, quoi. Et oui, non, mais j'étais en train de regarder un dessin animé. Les dessins animés, c'est pour les enfants. Oh, c'est quoi ce bordel? Ouais. Donc, tu découvres ce genre de scène directe. Et dans la saison 2, ça va s'enchaîner sur ce genre de moments aussi. Par exemple, ce genre de moment, en fait, comme celui-ci, qui est un épisode, justement, qui a été un peu carrément primé par... pas mal de trucs, notamment à Annecy. On retrouve donc cette chanson. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Julia. Si, je pense. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet épisode? Tu parles... C'est celui Underwater? Oui. Oui, voilà, d'accord, on est d'accord. C'est un épisode muet, intégralement, déjà. Donc, gros travail dans ce cas-là sur le son, la musique, etc. Et il est totalement halluciné, parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on va voir une autre facette de la société, parce que jusqu'ici, c'était quand même des humains, etc. Donc là, on a un truc sous l'eau, enfin, c'est super bizarre. Je crois qu'ils vont à un festival, une espèce de remise de prix, je crois. Et en fait, il va se retrouver brinque-ballé Bojack dans ce monde, puisqu'il a une espèce de scaphandre, et donc il pense... je pense qu'il ne peut pas communiquer avec les gens parce que il y a pas de son, il y a rien. Et en fait, il va essayer de courir après quelqu'un qui veut s'excuser. Donc il ne fait pas souvent déjà. Et en fait, il va lui arriver pas mal de petits trucs. Il va croiser, enfin, il y a des tas de blagues, genre un hippocampe enceinte, hein, donc des trucs comme ça. Et il va lui arriver plein de trucs. Et en fait, cet épisode-là, il est assez magique. Je crois que, alors, je me souviens pas très très bien forcément, mais je crois qu'il y a eu des gens. Secrétariat, c'est le cheval sur lequel. Ah, c'est, ouais, voilà, d'accord. Oui, c'est le nom de son modèle dans la vie. Voilà, son modèle. Et, ouais. Et donc cet épisode Fish Out of the Water, je crois qu'il s'appelle. Et je crois qu'il y a eu aussi des gens spécifiques qui ont bossé dessus. Enfin, il y a eu un travail. Et en effet, il a été récompensé, je crois, cet épisode en particulier. Et il a été diffusé deux fois au festival dont je parlais, le festival d'Annecy. Comment il s'appelle son modèle? Secrétariat. Et donc c'est lui qui tient les rênes. D'accord, je fais une crise d'épilepsie. Et en fait, il arrive à concrétiser son rêve à partir du début de la saison 2. C'est qu'il arrive donc à jouer dans un film où il joue Secrétariat. Et donc là, je pense que en fait, le Underwater, c'est dans la saison 3. Et je pense que c'est quand même la saison 3 la plus. Boom, émotionnel, mais il y a donc quand même ce moment où en fait il est réputé pour tout envoyer balader, tous les projets qu'il fait dans toute la saison 1, il envoie chier des trucs, genre il est censé faire une pub pour vendre du bourbon, finalement il se casse bourré pour aller dire à son agent qu'il l'aime et tout, what are we doing, et des trucs dans le genre, alors que, et en fait quand il commence donc le film, c'est le rêve de sa vie, quoi. Eh ben, au bout d'un moment, il abandonne. Il se casse. Il achète un bateau. Et il se casse. En fait, aller revoir la fille pour qui c'était la femme de sa vie. Mais il a raté l'occasion. Et à chaque fois, il se pose ce genre de questions. Genre, putain, j'ai peut-être raté quelque chose avec quelqu'un d'autre. J'ai raté un truc. C'est ça. Au moment où il atteint ses objectifs, en fait, il revient en arrière sur un autre truc avant qui n'a rien à voir. Parce que c'est la recherche du bonheur, tout ça. Et encore une fois, c'est une peur de concrétiser des trucs, de réussir, d'être connu ou pas. Et alors qu'il a constamment besoin de reconnaissance, justement. Et c'est très étrange. Et ça en fait vraiment un personnage super complexe. Et c'est très humain, Humain, oui. Ah non, mais le personnage est très bien construit. Vraiment, il est très complexe. On sait pas si c'est un connard, s'il est gentil, il a peur d'abandonner, mais ils sont morts comme un connard et tout. Mais les autres auraient pu être plus développé. Alors, mais je sais pas si tu as vu... ça dépend où t'es allé. Mais j'ai pas vu la saison 2. Moi, il y a un personnage, Sarah Lynn, enfant star, ça va très très loin, cette arc. Ah oui, elle est enfant star, oui, mais et bah, tu vas voir. Tu chiales, t'as vu, vraiment, j'ai versé des actual real tears. C'est dans la saison 2, ça Oui, c'est dans la saison 2. En tout cas, elle est présente jusqu'à ce que... Mais en tout cas... Mais même, donc, par exemple, là, je continue, il se barre dans son bateau, il retrouve donc la nana pour qui il avait des sentiments, et puis il se retrouve finalement dans la famille de cette fille qui, elle, a continué à vivre normalement. Et à ce moment-là, alors qu'il est censé être en tournage, il est donc à essayer quelque chose d'autre, essayer de vivre normalement. Mais même ça, il le foire. Et c'est ça qui est terrible dans cette série, c'est un truc de fou. C'est la quête du bonheur. Voilà, la fatalité, un tout incroyable où on disait que ça aborde des trucs graves et tout. Il veut coucher avec une mineure, quoi. Et c'est. Ah, genre... on l'a tous fait. Non, mais. Et là, où, je le répète, t'es censé regarder un dessin animé. En France, on est d'accord que tout le monde pense que les dessins animés, c'est pour enfants. Oui, parce qu'en France, on est con, oui. Parce qu'en France, on n'a pas de respect, comme dit Julia. Moi, je pense qu'une gamine qui se prend Horseman, c'est comme si elle se prenait une bite de cheval. Non, ça, même pas si c'était une blague, vraiment, là, c'était un fait. Non, mais de toute façon, il j'ai lui ment. J'ai plus rien dans ma hotte, les gars. De toute façon, il lui ment. Je lui mens. Ah! Je lui mens. Salaud! Copyright, vous êtes mais témoin! Mais non, j'ai essayé de te lancer sur ta blague. J'ai pas percuté ma propre. Comme création, elle m'a dépassé. Et il y a un autre passage aussi qui fait pas mal chialer, c'est celui-là. They come fast, they come slow, They go like the last light of the sun, all in a blaze. Et vous l'avez compris, c'est souvent en lien avec la musique. Je tiens à dire que la BO de cette série est plutôt canon. Non mais Nina Simone, ça parle à mon cœur, hein, déjà. Hein. Bah déjà, moi, voilà. Le chant de Jackie a pété dans son slip, je pleure, rien qu'avec sa voix. Genre. Ah bon, qui veut non mais sérieusement, et ouais, cette fin de saison 3... C'était... Non, elle est incroyable. C'est une des... Franchement, c'est une des meilleures fins de saison. Genre, toute série confondue, animation confirme, ou autre. Je vraiment, confirme. C'est un des trucs les plus... Quoi ? Meilleur que la fin de... que la mort de Jon Snow ? Oui, de Jean-Neige. Mais parce que là, c'est meilleur pas de la... Meilleur que Cora paralysée ? Ouais. Putain, meilleur que... Attends. Que... Wow, wow. Écoute. Oui. Parce que là, c'est pas ça, c'est... Attention, là tu... C'est juste un moment de beauté, mais pur. Genre, t'as cette musique incroyable, le gars qui est donc un cheval, qui fuit encore ses responsabilités, et qui est dans, en plus, sa Tesla décapotable, je sais pas, parce qu'il a coupé le toit, enfin... et qui roule à fond, et qui commence à accélérer de plus en plus. Et on sait très bien ce qu'il veut faire en fait. Il veut faire Thelma et Louise quoi. En plus, il voilà, parle avec la mais musique. Mais tout seul. Hein. Et genre, et juste, t'as le soleil couchant et tout, et lui qui ferme les yeux. Et c'est magnifique, c'est incroyable. Et t'as juste, tu retiens ton souffle, c'est magnifique. Et en même temps, tu connais. Et là, j'ai même pas envie. Et là, j'ai même pas envie de dire ce qui va se passer pour vous obliger à regarder. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça vaut vraiment la peine. Et là, tu te dis juste que t'attends la. Tu m'as pas vendu du rêve, mais tu as piqué ma curiosité. Et tu vois, ça valait, ouais. Et ça valait le coup, quoi. T'es là à la fin et tu te dis, putain, j'ai bien fait de regarder tout ça pour en arriver là. Voilà. Moi, j'ai quand même une question, c'est genre, est-ce qu'il faut vraiment se mater la saison 1 pour... Non, parce que depuis tout à l'heure, vous me dites, en fait, ouais, 2, c'est la saison 2, voire même milieu de saison 2 qu'on commence à accrocher, non, puis la saison 3, non, elle est super. Mais premier épisode, bon, c'était sympa, mais il est tellement déprimant, le gars. Ça dépend. J'avoue, j'ai pas eu cette expérience du tout puisque j'avais déjà regardé une première fois et j'avais pas accroché non plus. Et puis à un moment, je suis retombé sur la série, bon, sur Netflix, et je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'ai pas accroché à ce truc ? Je vais retenter pour voir. Et dès le premier épisode, j'ai accroché bien. Et puis le deuxième, où j'ai compris que, tu vois, le soir, juste après avoir fait toutes ces blagues et tout, tous ces machins un peu irréalistes, un peu irréels, il se retrouve sur le toit avec Diane, celle qui est en train d'écrire ses mémoires, à raconter que, putain, en fait, c'était un gosse avec des parents horribles. Et ce retour à la réalité, ça m'a fait comprendre qu'il y avait une sous-couche que j'avais trop envie de découvrir, quoi. Et plus tu grattes, plus tu pleures. Donc ouais, non, ça vaut la peine de regarder la saison 1, parce que si t'accroches déjà aux petites blagues et tout, tu découvres aussi au fur et à mesure tout ce que t'as à chercher, et c'est très agréable, parce que plus... En fait, la saison 1, c'est comme si ça mettait un grand terrain à construire. Mais tu sais que plus le terrain est grand, plus ta maison va être cool. Et là, en effet, c'est ça. T'as une maison super cool à la fin. Genre, à saison 3, ta maison, elle est très sympa. Non, parce que ça, des tas de gens peuvent le faire. Une série avec un personnage principal, gros connard, et que des supporting characters derrière qui vont juste l'aider dans la trame et qui vont constamment le pardonner, etc. Mais c'est beaucoup plus dur de faire ce qu'ils ont fait, quoi. De rajouter, mais pas une couche, mais genre 50 couches à tout ça. J'ai l'impression que on s'approche de la conclusion, n'est-ce pas ? Et disons que. Que disons. Allez, cherche. Non, vas-y, parle, je cherche encore. Ah là là. Disons qu'il se fait très tard. Dans la fin arrive comme un cheval au galop. Et ça, je l'ai déjà placé. Non. Si. Ah ouais ? Si. Bon. Si. Au pas de course. Ouais, ouais. T'avais dit ça. Bon, mais en tout cas, tant qu'on finit pas trop sais. Trop. Ouais. T'as dit quoi ? Tant qu'on finit pas trop. Ah, Lan. Je hais ni. Mais tu sais, Bilka, pour moi, t'es un petit galopin. Oh. Ta gueule. Alors, on va finir, en fait, déjà, tout le monde, vous pouvez dire au revoir, déjà. Au revoir. Ah ouais, donc déjà. Ce n'est qu'un au revoir, mes chers. Ce n'est qu'un. C'est bon, on a rangé ta cornemuse, tu vas pas la ressortir. Non, en fait, bah, déjà, merci à tout le monde, merci d'avoir écouté. Vous pouvez évidemment nous retrouver où ça ? Sur iTunes. Ouais, merci. Et ouais, et nous sur avons Facebook. Sur Facebook. Sur Facebook, comment elle s'appelle la page ? On se dit quoi ? Tout simplement. Tout simplement, mais avec un point d'exclamation. Exactement. Oh, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. On se dit quoi ? Ouais ! Et sur Google, c'est simple, on arrive. Ouais. Sur Google, petit à petit. On se dit quoi sur Google ? Oui. Trouvez... On est avant toutes les blagues sur les Belges. Franchement, on est fiers. Et... Vous avez payé qui, là ? Bah, Google. Google. C'est deux questions. De toute façon, tout appartient à Google, la chaise sur laquelle t'es. Mais non, mais aussi, vous pouvez. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut déposer un petit sujet si vous souhaitez sur iTunes ? Ouais. Comment on fait ça ? Bah, le plus simple, ce serait sur le Facebook. Mais non, comme ça, on a les étoiles, on a les commentaires. Ah, bah oui, étoiles. Mais. Putain, moi, en marketing, je suis nul. On avait répété le business model, mais merde. Pour gagner la podcast money. Qu'est-ce que tu veux tamiser sur le mauvais cheval ? Ce qui n'existe pas. Oh merde. Sur iTunes, vous mettez les petites étoiles, ça nous fait plaisir parce que on est 5, hein, faut pas déconner non plus. Déconner. Oh. Enfin, si le cœur vous en dit, on vous force à rien. Mais si vous ne le faites pas, I will find you. À votre bon cœur. I have some skills. Référence à Monsieur Neige. Non, référence à Taken. Oui, pardon. Enfin, Dieu. Pardon, à prix. Ah oui, voilà, merci. Et oui. Oh là. Né en France. Et Liam Neeson. Ouais. Neeson. Ouais. Neeson. Quel est talent celui-là ? Quel talent ! Ah, ah. Donc, lâchez un commentaire. Est-ce qu'on va finir sur ça ? Lâchez. Oui, Bilka, coupe son micro pour, oh, non, pour oui. qu'il finisse sur ça. Bilka a une petite préférence sur les sujets traitant en cinéma. Donc, si... Ouais, je pense qu'on va, on va retourner sur quelque chose dans. Ouais, dans donc ce si genre. Vous vouliez, si vous voulez lâcher un, je sais pas, un titre de film, un genre de film ou de l'animation en général, Julie aussi, elle se fera un plaisir de, ah, vas-y, de faire un podcast là-dessus. Ah, vas-y, un Wes Anderson. Hein. Non, mais là, non. Ça va mettre la pression. Ouais, j'ai vu un Wes Anderson en vrai. J'en ai vu deux. Par Besson, le reste c'est de la merde. Hein. Non, pas ça. Non, Besson. Et puis James Cameron. Eh ben, Wes Anderson. C'est Peter Jackson. Eh ben, écoute, si tu aimes BoJack Horseman, je pense que tu vas retrouver pas mal de similitudes dans les films de Wes Anderson, notamment Life Aquatic. Où tu te dis, ouais, super marrant et tout. Et puis, ah ben non, en fait, il y a tout ça en dessous qui est vachement putain de ouf. Et on va donc finir par une petite chansonnette. Je vous rassure, ouais. ce sera... Il faut qu'on la fasse. Le bal masqué. On fait pas les trucs qu'on avait fait la dernière fois, là ? Avec le blind test ? Pour la prochaine fois, je le fais. La prochaine fois, si vous voulez, je referai sans un foot, quiz. Tout simplement, d'accord. Bilka contre Abe, on s'en fout, tout simplement. Ouais, mais il faut trouver une idée originale et tout, et j'en ai deux marrant. Pour l'instant. Donc, c'est trop marrant. Blind test sur les jeux vidéo. Mais ça compte pas. Si Juliette est là, on va te défoncer, Bilka. J'étais pas là la dernière fois aussi, donc. Non, mais ça va changer. Non, mais demande-leur, ils ont balancé trois notes, j'ai fait tain, recume fort. Non mais le pauvre Abe, il était malade, il en pouvait plus. Il tenait avec des câbles. Par contre, bah oui, si on fait jeu vidéo, bah oui, j'ai perdu d'avance. Youpi. Alors, laissez-moi terminer, puisque je pense que les gens, ils en peuvent plus là de nous écouter depuis 1h20. C'est que Empire of the Sun, vous connaissez ou pas ? Non. Ça veut dire l'Empire du Soleil. Alors, je pense que vous connaissez. On a un bilingue. Waouh ! On a un bilingue. Non mais je pense que vous connaissez tous cette chanson là. Je connais, oui. Ah, vous connaissez pas. Ah, oui. Ça vous connaissez. Non. Oui. Mais si, attends, t'attends un petit peu. Moi je connais pas les musiques occidentales. Oh, c'est pas occidental. Oh là là, mais c'est pas occidental. Les musiques du bas peuple, je connais pas, de la plèbe. Bienvenue dans les années disco. Ici Frank Sinatra. C'est un duo australien d'électropop, donc formé en 2007. Il y a quoi ? Il y a Luke Steele et Nick Littlemore. J'aime bien son nom. C'est quoi nom, ces blagues? Il est marrant. Le mec s'appelle Luc Metal et l'autre il s'appelle comment? Little Mort. Un peu plus. La petite mort. Ah oui, là, le petit plus. Quoi ces blagues? Oh, c'est bilingue. Bah, tout était déposé. Hein. Jean-Froid ne serait pas fier de toi. C'est pas. Alors, en fait, j'adore ce groupe. J'adore vraiment énormément ce groupe. Et j'étais pas du tout au courant qu'ils avaient sorti un nouvel album. Et c'est en entendant dans un magasin de fringues que je suis tombé, en fait, j'ai fait « Oh putain, mais il faut que j'aille regarder, je crois qu'ils ont sorti un nouvel album », et en effet, ils en avaient sorti un autre, et c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Et du coup, on va se quitter sur ça, les amis, on va se quitter, pas sur donc Walking on a Dream, mais sur la nouvelle, le nouveau, on va dire, single, c'est I and Low qui ça veut dire quoi en français? Ben haut et bas. Et ouais, bah bravo. OK. Oh là là, mais c'est incroyable. J'ai fait anglais. Et on vous dit donc du coup ciao, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Soyez salut. Et Spidey vous salue. Et Didi, un petit dernier mot. Salut. Voilà, tout est dit. Très allez, discret. Tout est dit, Didi. Allez, une dernière blague sur les chevaux, t'as 6 secondes. Bon, faut pas vous en faire. Ok, super. Faut les faire de chevaux.